Laval et tout le personnel du restaurant Au Machinois du 1005 Boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivités. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Au Machinois, 1005 Boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au 88-679-3339. Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina d'Olbou-Mistassini, au 418-276-2108. Le personnel et la direction de la société sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population et vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-80. Merci. Mission accomplie pour Marc Simard de Dolbeau-Mistassini. Marc Simard qui a réussi son retour au jeu dans l'uniforme du multiconcessionnaire. Il a amassé une passe. Et question de savoir un peu comment il a trouvé ça. On lui passe. Salut Marc. Oui, bonjour Danny, ça va bien? Ça va bien. Marc, effectivement, est-ce que tu es content dans l'ensemble de ce que tu as fait, de ce que tu as réalisé samedi soir? Oui, vraiment. Là, l'effort que j'ai fait pour participer à ce match-là, je pense que ça a valu amplement la peine de faire ces efforts-là. Puis, écoute, moi, j'ai rencontré Gérald, là, l'entraîneur, avant le match. Puis moi, ma priorité, c'est comme j'avais dit, moi, c'est que les gars gongent la partie. Là. Je voulais absolument que le multiconcessionnaire gongue cette partie-là. Ouais. Fait que moi, j'avais dit à Gérald, moi, Gérald, là, tu coaches, là, mais tu y vas en fonction de l'équipe, c'est pas en fonction de Marc Simard. Ouais. J'avais parlé avec les gars dans la chambre, les gars ont été super fins. Tu sais, j'ai joué 5 chiffres, là. C'est pas compliqué, là. J'ai fait 5 chiffres dans le game. À tout bout de champ qu'on venait pour embarquer, Gérald, préparez-vous. Pouf, un coup de bâton sur la bouche d'un gars, 4 minutes de punition. Fait que là, c'est sûr qu'on n'embarquait pas. Il faisait marquer, c'est des unités spéciaux qui embarquaient. Après ça, c'était nous autres qui a 4 minutes. Fait que, tu sais, les punitions et batailles, fait que finalement là, ben ça, j'ai joué qu'à 5 chiffres là dans le match. Mais, ok. Mais je te dirais là, Danny, c'était très rapide, très rapide. J'ai trouvé que les gars étaient vraiment là, c'est un beau calibre de jeu. Puis j'ai trouvé que les gars étaient sérieux, puis les gars ils ont été généreux envers moi. J'étais bien content de mon expérience. Mais là, sais-tu comme tu t'en attendais, parce que moi je me rappelle mercredi tu m'as dit Danny, j'ai dit je vais là, je pense que je tiens mon bout dans une ligue où il y a plusieurs joueurs qui jouent là-dedans. Est-ce que c'est ce que tu t'attendais vraiment ou c'est encore plus rapide que tu pensais? Non, c'est plus rapide que je pensais. Je te dirais là que tu sais, la rondelle, je me suis pas débarrassé de la rondelle. J'ai touché à la rondelle. Mes chiffres que j'ai embarqués, là, je veux quand même être honnête, là, être honnête envers moi aussi. Là, je veux bien être honnête, dire que c'est rapide, c'est beaucoup trop rapide pour un gars de 54 ans. Tu sais, mais je veux dire, les fois que j'ai embarqué, j'ai touché à la rondelle. J'ai pas juste patiné puis voir passer la parade, tu comprends? Quand j'ai été capable de couper des jeux, j'étais capable de prendre la rondelle, après ça, refaire des passes à mes joueurs, ça, je suis quand même satisfait de ça, tu comprends, là? Mais j'aurais pas voulu là, continuer, là. Tu sais, les gars m'ont dit, Marc, tu vas revenir. Non. Là, ça prend quelqu'un qui va arrêter, puis moi, je vais l'arrêter. OK. Mais oui, je te dis, il faut quand même que je me donne le crédit. Là, j'ai trouvé que c'était rapide. Il y a des gars d'un gradin, des amis qui ils ont dit que c'était pas si rapide que ça, mais je te confirme, quand t'es sur la patinoire puis quand t'as une coupe de bière de plus, c'est différent. Moi, je l'ai vu à jeun, puis j'ai trouvé que c'était un beau calibre de jeu. J'ai été surpris du calibre de jeu. À cause, t'es pas à jeun normalement quand tu joues? Si je l'ai vu à jeun. Non, c'est parce que là, je parle de des gars qui avaient de la bière de prix d'un gradin. OK, ouais, OK. Quand t'as 5-6 bières de prix d'un gradin, c'est donc plus facile de dire que c'est pas rapide, c'est pas si vite que ça. Mais quand tu as des patins dans les pieds, c'est une autre histoire. Ah, ça, c'est clair, c'est clair. C'est dans ce sens-là. OK, OK. Mais non, c'est une blague que je faisais en passant. Ben oui, absolument. Marc, effectivement, mais là, tu as réussi, t'as réussi ce que tu voulais. C'était une partie en réalité. C'était de voir ce que tu allais faire. Qu'est-ce que ça a fait de jouer à Dolbeau, Mississini? Ah, écoute, c'était vraiment. Je me suis trouvé choyé. Puis premièrement, c'est comme j'ai dit là, dans une année, j'ai écrit au gars là, sur le site là, pour les remercier de leur gentillesse, autant l'organisation, les entraîneurs. Écoute, je ne voudrais pas oublier le monde. J'ai rencontré tous mes anciens juniors. Écoute, j'ai Marc Asselin qui est descendu de Chibougamau pour venir me voir. Les gars sont venus dans la chambre après. Monsieur Tremblay sont venus me rencontrer dans la chambre après. Écoute, j'étais le dernier à quitter la chambre. Okay. Là, ben, les gars voulaient que j'aille les voir. On est arrivé, je pense qu'il était 1h30 pour aller prendre une bière là au Météor après, mais là, j'ai vu du monde encore, mais c'était difficile parce que tout le monde voulait parler. J'ai eu des beaux commentaires, vraiment. Là, même les gars du concessionnaire qui ne me connaissaient pas. Il y en a un, entre autres, là, qui travaillait chez Dans ses comptes. Il m'a dit, Marc, écoute, toute la semaine, j'ai entendu parler de toi. Je te connaissais pas. Je sais pas si tout est vrai. on a entendu. Les gars, ils ont vraiment été gentils. Ils ont fait attention. Ils ont tout fait pour que je me considère comme un gars de l'équipe, tu comprends? Écoute, là, ça fait quoi? Ça fait 18 plus 15. Ça fait 33 ans que tu jouais à Dolbeau Mississini. As-tu été surpris que les gens, 33 ans après, se rappellent encore de Marc Simard? Oui, vraiment. T'es surpris de ça? Puis tous les anciens joueurs qui venaient, ils me racontaient des histoires, je me rappelais plus. Tu comprends? C'est une fête, Danny, que je te dirais, là. Puis en plus, il est arrivé toutes sortes d'affaires. Écoute, je vais te compter, ma fille est au cégep, puis elle travaille là, pour une boutique à Place du Royaume. Puis imagine-toi donc, c'était le party de boutique, là, vendredi soir. Puis là, ben, il y a une fille qui est devant tout le monde, puis elle dit, imaginez-vous donc, mon chum s'en va jouer au hockey. Puis ils ont engagé un bonhomme de 54 ans pour venir se battre. Et comme ma fille a dit, où est-ce qu'il joue, ton chum? Elle dit, il joue à Dolbeau. Ben là, Mia a dit, excuse-moi, là, mais le bonhomme de 54 ans, c'est mon père, puis je te confirme que tu s'en vas pas là pour se battre. Fait que là, tu comprends que là, elle me compte ça le lendemain, puis elle arrive, puis là, la petite fille, pour que tu t'étais... Elle était mal, là, elle a blanchi, elle a dit, Mia, je m'excuse. Puis en plus, je la connais, la petite fille, parce qu'elle venait se préparer chez nous quand elle sort. Puis, fait qu'elle avait aucune idée que c'était moi. Fait que là, elle a dit, il y avait une chance sur 1 million que je tombe sur une histoire de même. Puis là, je viens de. Mais c'est toutes des histoires de même qui étaient super drôles. Puis c'est bien correct, tu comprends, là. Il y en a qui, comme je t'ai dit au début, il y en a qui m'adorent, puis il y en a qui me détestent. Puis, mais je pense que j'ai été honnête dans cette histoire-là. Puis le but, c'était pas de faire rire de moi. Puis là, ben ça arrêtait à pire affaire. Puis là, je pense que j'ai été respecté tout le monde. Puis j'ai donné tout ce que je pouvais donner. Puis un gros merci à tout le monde. Ils ont bien préparé ça aussi, là, on veut dire. C'était bien préparé aussi par l'ensemble. Parce que effectivement, t'aurais pu faire rire de toi un peu, là. Fait que, c'était bien préparé. Puis est-ce que finalement ça boucle la boucle, comme qu'on pourrait dire, de la carrière de Marc Simard? Oui. Là, moi, je continue à m'amuser avec les gars. That's it. Et je peux dire que le match, c'était un match en plus qui était extrêmement offensif. Là. Ouais, c'est ça. Arrête de prendre un bord comme l'autre. Tu sais, Jonquière, il aurait peut-être mérité un meilleur sort, mais notre gardien de but a été extraordinaire. Mais c'était vraiment un match offensif. C'était un beau match. C'était plaisant. Okay. Ça aurait dû prendre. Mais oui, ça boucle la boucle, Danny. C'est terminé pour moi. Écoute, il n'y aura plus. Mais si je rentre dans l'aréna, ça va pouvoir aller voir encourager les gars. Parce que je lui souhaite bonne chance parce qu'ils méritent vraiment là, d'aller loin des séries. En terminant, est-ce que tu as senti que la MJR Express te respectait? Je veux dire, te respectait, mais je veux dire, te donnait pas de chance aussi. Le temps que tu étais sur la patinoire, là. Tu sais, il te respectait le joueur, mais il faisait pas exprès non plus pour vraiment te donner une chance. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, non, pas du tout, parce que au début, là, écoute, j'ai rencontré Gérald, puis Gérald, écoute, il m'a quasiment fait peur, même que je te dirais, il me parlait de jouer ses avantages sur le power play, puis tout ça, Marc, ça peut arriver, puis là, ça peut. Mais non, il n'y a pas eu une question de respect. C'est moi qui ai dit, là, à Gérald, moi, c'était vraiment ma priorité. C'était moi, là, je voulais que les Marquis, tu sais, je veux pas arriver puis que ce soit la fête de Marc Simard. On fait voir Marc Simard puis Marquis, là, écoute, c'est un match qui était extrêmement important. C'était pour la première position en plus. Ça fait que les deux points étaient vraiment importants, là. Ça fait que moi, j'ai dit à Gérald, puis même entre la première et la deuxième, là, je me suis excusé un petit peu dans la chambre aux gars, là, les gars qui jouaient avec moi. Les gars, je m'excuse, Karine, parce que là, vous êtes comme pénalisés aussi, là, tu sais, moi, j'embarque pas, puis là, mais là, les gars, ils ont dit, hey, Marc, écoute-moi bien, là, tu vas te calmer les nerfs, puis les autres, on vient ça pour s'amuser, puis là, ben, écoute, il y a des punitions, puis ça, ça donne que, écoute, on aurait probablement joué à quatre loups s'il n'y avait pas eu de punitions, il y aurait pas eu de. Les gardes, là, les pénalités font, puis là, ben, il faut comprendre que c'était pas au quatrième trio d'embarquer sur la glace en désavantage, c'était en avantage numérique. Fait que tout était correct. Je regrette rien, Danny, je te dirais. Ben je regrette rien. Fait que, c'est puis moi, comme je te disais, c'était de sortir de là, pas de blessure non plus. Jonquière, j'ai trouvé que Jonquière ont été très respectueux, les petits gars, tu sais, il y a personne qui est arrivé en baveux, commencer, ça aurait pas arrivé, mais pas en tout. Moi, c'était une soirée qui parfaite pour moi. Okay, j'espère que tout le monde se sont amusés. Moi, c'est ce qui est principal pour moi, c'est ça. Ben, effectivement. Marc Simard, félicitations. C'est un beau coup de marketing. Comme je t'ai dit au début, je trouvais ça ridicule. Écoute, là, comme un peu tout le monde, 54 ans, un gars de 54 ans, mais finalement, après t'avoir côtoyé les deux entrevues, je peux te dire que je suis pas mal content pour toi. Bon, mais je te remercie beaucoup, Danny. T'es bien gentil. Voilà Marc Simard qui est revenu au jeu samedi puis qui annonce sa retraite après la match.